les bulles en le gris. Dodo, dans le petit fils, mais le ange divin, mais le séraphin, vole à l'entour de ce Dieu d'amour. Les deux bras de Marie, dodo, dans le petit fils, mais l'ange divin, mais le séraphin, vole à l'entour de ce Dieu d'amour. Les roses et les lits, dodo, dans le petit fils, mais l'ange divin, mais le séraphin, vole à l'entour de ce Dieu d'amour. Ce beau poussé solennel, dodo, dans le petit fils, mais l'ange divin, mais le séraphin, vole à l'entour de ce Dieu.